RCL 96.2, ravi de vous retrouver dans votre émission Groove Tropical cet après-midi jusqu'à 16h. Votre émission 100% musique qui nous vient de la Caraïbe. J'espère que vous êtes bien fidèles au 96.2 parce qu'on va passer un très très bon après-midi ensemble. Avec du très bon son bien sûr, le meilleur de la musique avec bien sûr du zouk, du compas, de la salsa, etc. etc. Et on va continuer avec Nesmith, le titre Bang Bang. Chantal avec vous jusqu'à 16h, c'est Chantal qui vous accompagne. Si tu manges, je me répète. Comment s'imaginer d'où les comptes, quand j'en vois certains sur mes côtes, je les laisse volontiers aux autres. Mais même ça, je fais pas n'importe quoi, je vais pouvoir me voir dans un miroir. J'ai ma fierté, j'ai mes codes, mon éducation me porte. Demande autour de moi, je t'ai tout donné. Je suis droit dans mes bottes. Bang, bang. Quand je vois certaines se cachoppent. Au final, plus rien ne me choque. Bang, bang. J'aime faire la folle si t'as pu le voir. T'emballes pas sur ce que ça fait croire. Je sais que tu sais que je suis d'ailleurs, mais bang, bang. Pas besoin de mal là, je suis validé. Je t'ai tout donné, tu m'as tout volé. En couleur, en couleur. Bien rouvert, on a nous caille, sans le toucher des sorts, ma chambre tous serrés. La température commence à monter hein, dans les studios de Haber-Conciel. C'est une nouveauté. Si c'est Zouk, nouveauté avec Jean-Michel Cabrumol et puis Monsieur Phil Contrôle, hein, sacré duo hein, dans le groupe tropical. En tout cas, on continue comme ça. D'autres nouveautés, vous inquiétez pas, il va y en avoir tout l'après-midi. On va aller direction Haïti avec le groupe Harmonique. Un petit morceau en live, exprès de leur tout dernier album, Respect. À 14h, 16h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est votre émission Groupe Tropical. Moi pour toute ma joue, toute habitude. C'est comme si moi même je avais parlé. Maman, papa, tant pour y'en sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. C'est vous qui fait qu'il y a moins bad contre un bout. Y'a rien pas qu'à l'amour, nous pas ni pour nous. Pour nous, on préfère écarter moi. On est l'impression, nous pas compatibles. On s'arrange la fête, puis y'a tentative. Non, non, non, non, à pas faute en moi. Je suis si belle créative. On va pas prendre ton alternative. Yeah, on laisse les feux au ciel. On voit qu'il y a un guerre, on va ni l'étincelle encore. On s'avoue en là. On préfère éloigner moi. Si vous chapez. Même j'en ai qu'à essayer. J'espère vrai un jour, maillon à chaîne la série. Femme levé, j'en souviens qu'à lever. Laissez pas de la mouvelle pour voir, j'en sais de quoi le gâté. Ça va j'en faire souffrir, j'en pas si cassé. On va que c'est fait, dis-nous, on peut pas céder. Let's Peke kite wale Pazouze tout sa me demande Bon die kalami ou Même si pa même Même jan même Et tant pis si ou fan mal Même ou kom même I love you Yeah. passé, guet sans ouais son bénédiction. Son pas fait un guet ou guet sans prendre attention. Où c'est soleil qui a brillé l'enfer noir. Depuis ma peur, me senti m'guet la joie. Nous choisir, ma vous guet en pile joie. Mais on va me comme ça, pour yon chemise. Tant oui, pas la game, baby, baby, please. Au fait, ma vie, moi, j'ai l'air, on dit, moi, on dit. C'est un élément qui m'a rime dans tout métal. Et contrôler pour moi ça pas normal. Au dé un chalet qui fait les bons petits gouttes d'eau. Où c'est chaque jour qui passe, moi envie qui me on embrasse. Ça coupe, c'est pas, tout ça coupe, moi c'est pas. Oui, m'a toujours pris soin qu'elle est en couille ou pipe. La lance. Passer la maison, on dit des trois belles paroles dans les oreilles. Ça va songer, mais là on vit faire l'amour. La lance, il est tiré tout à tout. À ce moment, on va le faire oublier tout problème. T'as des qui chantent, nous on va s'en foutre. Chérie, on fait mon vie danser sans musique. Et puis, me donner voir, pour moi c'est plus belle mélodie. Ça pour yon marionnette qui marie l'entre tout à fil. Et puis j'aime tomber dans gentil qu'à moi commencer à faire. Pas de monde qui café son café à sous cabane. Pas besoin pressé, on a son petit garanti. D'amasser sous toute vitesse, il gagne ça son garanti. Est-ce que vous parlez pour me faire voyager? Ou bien le zikon qui est-ce que j'ai l'hibine bouillé? danser sous moi. J'ai mini, j'ai mini, bambouliada. De trois belles paroles dans oreilles ou pour qu'à son j'aime les envie faire l'amour. La lentille. On est bien en relation. Qui va qui dialogue, son cap qui s'en va. Fais ça à quatre, non plus souvent. Ouais, évitez frustration. Pas quitter vieux et bon faire bon plaisir. Ça, ou paraît plus dans l'air coupable, et puis au gain. vérité. L'harmonie à jamais. Ce qui nous unit, je le voudrais. Tu me gratifies. Mr. Love, en moi, viens danser Asi l'amour, il fait moi tout m'aider, il fait moi l'attirer, il fait moi le sang. Asi l'amour, tu es le soleil qui illumine mes vies. Tu es cette femme qui me donne envie. On peut qu'un plaisir, on peut qu'un dormir, on peut qu'un sourire, on peut qu'un partir. On peut qu'un plaisir, on peut qu'un t'es dormi, et t'es dormi. Premier jour, nous ferait l'amour. C'était confit en noir et blanc. T'es qu'à dire, serrez-nous fort. T'es qu'à dire, pas laisser la peau, moi, tu sais. Sans des petits bisous, sans des petits câlins. Mr. Love, en moi. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llegué el hombre que por fin tú merecías, y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela. Hasta dos o tres consejos le daría. No te preocupes por mí, yo me las arreglaría para cambiarme de cabeza a otra que no sea la mía. Y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te dé el doble de caricias y el triple de los besos que te di, c'est mon sans raison, mais pense à vous tout le temps. Baby, vous connaissez bien Miami. Les mes sentiments, c'est où on pense ma raison. Mais pense à où tout le temps. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. Mon cœur est naufragé. En couleur. Bon. On vous joue un dernier morceau, quoi. Je Est-ce que vous êtes capable de me faire un jet? Attention, s'il vous plaît. Un soldat, Oula. Un soldat, toujours là. Un soldat, Oula. Un soldat, toujours là. Un soldat, Oula. Un soldat, toujours là. Attention, mon gars, ça va. Oula. Attention, toujours là. Ensemble, volontant, comme ça, nous bouger. Ensemble, C'était il y a 12 ans à l'Arena, bah oui, un grand, grand, grand moment pour les 40 ans de Kassab. Kassab qui a repris les tournées d'ailleurs, hein. Je crois qu'ils sont dans la région parisienne ce week-end. Et puis en Alsace, je crois, après les jours prochains. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de les retrouver. Moi, j'avais envie de vous faire partager également ce petit morceau de Patrice Saint-Éloi. On va continuer avec Kassab. Lumière. 96.2, votre émission Groove Tropical, jusqu'à 16h. Si c'est là, encore. Baby girl, feeling now. Imperfection. C'est ça que c'est tombé. Dans la sept armes. Give to give. Face to face. Do Alex and Lex. A la profession. Yes, sir. Travail pour qu'on pas nous qu'à avancer. Si on a des problèmes rail, pas empêcher privé. Nous pas de zéro, nous nous montrer difficulté. Pas qu'on pas perdre à tout, si on ne pas vivre. Chimère à l'âge, du pas étroite, si vous voulez dépasser sans nous. Pas empêcher passer, pas empêcher privé. Dans la vie, on ne sait pas faire jour ou nuit. C'est pas parce qu'on est hier, on va vivre en délire. Oh, oh, oh, chandalisé. Sans songer, dans la vie, on ne pas j'en connaisser. Pas étoile, si vous voulez dépasser sans nous. Pas empêcher de passer, pas empêcher de briller. Toujours songer, pas de la vie. Pour presser, pas faire jour l'oublier. C'est pas parce qu'on est hier, on y va qu'on est bien. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein. plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Here alone, didn't wanna leave. My heart won't move, it's in. Ou fè sentim, tan kon sou bon.

c'est mignon. Poupée, ça fait la chair. Piton, piton, piton. Par piton, piton, piton. Par Arc-en-Ciel 96.2, il est presque 16h sur la FM Tuteur, couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter, je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, 14h, 16h, pour le maximum de très bons sons et de soleil. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous retrouve à la semaine prochaine. Bye bye. Que je te cache ou que j'ai honte de toi. On me pointe du doigt, malgré tout, malgré moi, je suis toujours là pour toi. À vrai dire, Choco, t'es le lâche qui sommeille dans moi. J'ai critiqué, mais dans le fond, je suis comme eux. Je suis ta femme, je te connais, je t'ai laissé le temps qu'il fallait. Annuler mon dîner pour ta cour, qui s'est joli et le valet. Je t'aime et je pense avoir fait ce qu'il fallait. Je ne peux vivre attaché, attaché, ma majesté. La fois c'est pas au long, c'est fini, non, non, t'inquiète. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Vous allez entrer dans le chemin de victoire définitive.